le plus grand des détectives. Oui, c'est lui, Sherlock Holmes, le voici. Il habite à Baker Street. Et pour ce Moriarty le méchant, brigand élégant, la canne à la main, démasqué par Sherlock Holmes le plus malin. Ouais, faut voir. Courez, courez, Holmes et Watson, ne laissez pas filer le bandit. Cherchez, cherchez, loupe à la main, les méfaits de ce gros requin. Ce bandit se permet tout. Oui, monsieur, il se moque de vous. Tous ses vols sont très osés. La police elle-même est dépassée. Grâce à son génie, Sherlock réussit. Aidé par Watson, son plus fidèle ami. Courez, courez, Holmes et Watson, ne laissez pas filer le bandit. Cherchez, cherchez, loupe à la main, les méfaits de ce gros coquin.